Muntumbero yo kuryohora uburyo itunganyiriza abanywanyi Regidezo yaratunganije rusansuma y'ibibanza byose bitangirwamo amatara. En vue d'une mise à jour de son fichier client, la Régie des Eaux a entrepris en collaboration avec Listebout un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des Eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Listebout l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Eli Kadoga sur la mise en onde. Merci pour votre fidélité, amis auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Une personne a été tuée et une autre grièvement blessée dans deux attaques respectivement par grenade et par machette en commune Kirundo. Six personnes ont été arrêtées pour enquête selon la police. Vous en aurez les détails dès le début de cette édition. Le 8 mars de chaque année devrait être une journée d'auto-évaluation pour les femmes en ce qui est de leur rôle dans le développement familial et national. Vous aurez les précisions dans la déclaration du ministre ayant les droits de l'homme et le genre dans ses attributions. Notre reporter à la source nous conduit sur deux écoles, un régime d'internat se trouvant à Kwibuka, commune de Provence et Gitega, qui font face au manque criant d'eau potable, une situation qui causerait des maladies mensales fréquentes sur cette école. Et tous les vendredis, comme à l'accoutumée, vous avez droit à la chronique environnement. Aujourd'hui, on va vous parler du rôle des oiseaux. Voilà pour les grands titres. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour, je vous le disais en titre, un homme sexagénaire a été tué par deux grenades lancées successivement dans sa maison sur la colline Gihosha, zone commune Kirundo, un autre de la même commune dans la zone Gikuyo, colline Dobugera, a été grièvement blessé par des inconnus munis de machettes vers 22h. L'on soupçonne la sorcellerie, tandis que d'autres disent que la cause de son forfait serait le conflit avec son ancienne femme. Les enquêtes sont en cours, selon la police, qui informe avoir déjà appréhendé 6 personnes à Brohan Safari. Cet homme qui a été tué dans la nuit de ce jeudi vers minuit est connu sous le nom de Zeyman Adrien, âgé de 65 ans. Comme nous l'ont fait savoir, la population de la colline Gihosha, zone et commune de Kirundo, est confirmée par l'administrateur de la commune de Kirundo, Mme Jeannette Kangoro. Les malfaiteurs ont lancé successivement deux grenades à travers la fenêtre de sa chambre à coucher. La population de son entourage dit qu'ils ont entendu le premier coup vers minuit. Sans tarder, une autre explosion a été entendue. Ils ont trouvé la victime déjà morte. Cette dernière est soupçonnée de sorcellerie. La police a déjà appréhendé 6 personnes pour des raisons d'enquête. Un autre homme qui a été grièvement blessé dans cette même nuit habite la colline Bugera, zone Gikuyo, en commune de Kirundo. Selon les informations émanant du chef de colline, Mme Kandava Anastasie, est confirmée par le conseiller principal du gouverneur de Kirundo. La victime est connue sous le nom de Ndoyez Jean-Claude, âgé de 48 ans. Ses sources précisent que la victime a été attaquée vers 22h30 par des personnes munies de machettes et de poignards. Ils l'ont grièvement blessé sur la tête et les gens de l'entourage ont trouvé Ndoyez Jean-Claude dans un état critique et il a été vite conduit à l'hôpital par un véhicule militaire. Là où il est hospitalisé, son état de santé est critique. Cependant, comme le signale le chef de colline Bugera, la cause de cet acte serait la sorcellerie car, a-t-elle précisé, la victime a risqué la mort il y a 2 semaines, frappé par des personnes qui l'ont accusé de sorcellerie. Elle avait même mis en garde qu'il serait bon de déménager de cette colline. Les enquêtes ont déjà commencé, mais personne n'a été appréhendé jusqu'ici. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. La célébration de la journée internationale de la femme est une occasion pour les femmes de s'évaluer par rapport à leur rôle clé dans le développement durable de leur famille, de leur pays. Déclaration ce vendredi du ministre des Droits de la Personne Humaine et du Genre à l'occasion de la célébration de la dite journée célébrée chaque 8 mars. Martin Niviabandi précise que les cérémonies liées à cette journée au niveau national se dérouleront lundi prochain au chef-lieu de la province Gitega sur le thème « Élevons-nous Levons-nous tous pour les réalisations des droits des femmes, suivez-le. Le 8 mars de chaque année, le Burundi se joint aux autres pays du monde entier pour célébrer la Journée internationale de la femme. C'est une occasion pour les gouvernements et les partenaires d'évaluer le pas franchi par rapport à l'état d'avancement des droits des femmes sur le plan économique, politique et socioculturel. La célébration de cette journée offre aussi une opportunité de se fixer de nouvelles orientations et priorités pour atteindre plus de résultats en matière de protection et de défense des droits des femmes. Pour les femmes, elle est une occasion de s'évaluer par rapport à leur rôle de pilier de développement durable de leur famille et de leur pays. Dans notre pays, cette journée sera célébrée sous le thème suivant « Lèvons-nous pour la réalisation des droits des femmes ». Ce thème interpelle tout un chacun pour son implication directe pour la promotion des droits de la femme. Cette commémoration arrive dans un contexte où le monde entier célèbre le 25e anniversaire de l'adoption de la déclaration des programmes d'action de Beijing de 1995. Le 20e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, et aussi au moment où le Burundi entre dans une période électorale. Dans le cadre de la promotion des droits de la femme, le gouvernement du Burundi a déjà mis en place des mécanismes chargés de la protection et de la promotion des droits de la femme, adopté des politiques et stratégies favorables à la promotion des droits de la femme, a créé un cadre légal favorable à la promotion des droits des femmes, par l'adoption de nouvelles lois et la révision de celles contenant des dispositions discriminatoires. Tout le mois de mars est dédié à la femme. Les festivités marquant la commémoration de cette journée auront lieu en province de Gitega, capitale politique du Burundi, au stade Ngoma, le lundi 9 mars 2020. Nous invitons tout le monde, hommes, femmes de Gitega et ceux des autres provinces, de répondre massivement à ce grand rendez-vous. À toutes les femmes du Burundi et à tous les Burundais, nous vous souhaitons une bonne fête. Martin Nivyabandi, il est ministre des droits de l'homme et du genre. La Direction générale de l'urbanisme et l'aménagement du territoire devrait étudier la situation des terrains de construction avant de les distribuer aux particuliers pour y placer des maisons. Ingénieur en génie civil et construction, Marc Rugerignangue conseille à toute personne de bien étudier les lieux et d'approcher des experts en construction pour les aider à savoir les critères pour construire une maison. Suivez l'ingénieur Marc Rugerignangue. Il est au micro de Jean-Marie Mayong. Nous voyons quand même certaines maisons qui s'écroulent pendant les constructions, d'autres qui s'écroulent après les constructions. C'est-à-dire que quand même il y a quelque chose qui manque dans ce qu'ils devaient utiliser comme règle de l'art. Ou bien il y a un problème technique quelconque, ou bien ils n'ont pas étudié le sol, ou bien ils n'ont pas suivi les conseils des techniciens à la matière. Donc les constructions, je dis en général que ça suit les normes, mais il y a d'autres qui ne suivent pas. La preuve là, il y a des maisons, comme je viens de le dire, qui s'écroule pendant les constructions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas quand même suivi les normes. Les endroits ne posent pas problème quand les règles de l'art sont suivies. La première chose, c'est qu'il y a un ministère ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions. C'est ce service qui doit montrer aux gens où il faut construire, où il ne faut pas construire. Parce que c'est l'aménagement du territoire qui détermine les zones de construction. Après ça, il faut qu'il y ait des données des études du sol, les données géotechniques. Et puis, il faut que les gens qui veulent construire approchent les techniciens en la matière pour avoir tous les conseils nécessaires et construire en fonction. Sinon, les écroulements de maisons, on les verra tous les jours. Ce que je leur conseillerais, c'est de s'entretenir avec les services concernés et les techniciens qui sont capables de leur fournir des données fiables et des conseils peuvent leur être utiles. Ingénieur Marc Rugerignangue réagit après que certains habitants de Bujumbura aient abandonné leur maison suite aux inondations. Après une courte pause, on va poursuivre cette édition. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h07 dans les cieux de la radio Isanganiro, une édition que vous pouvez suivre via le www.isanganiro.org. L'achat des produits vivriers qui ne sont pas prêts à être récoltés est interdit en province de Bubanza. L'exécuteur, auteur de vente des cultures de riz dans les champs, seront sanctionnés conformément à la loi. C'est le contenu du communiqué sorti ce jeudi par le gouverneur de la province de Bubanza, Terence Nobu-Sebutoyi, appelle à la dénonciation de tout contrevenant à cette mesure. Spiskeritas Kabanyana. La vente des produits vivriers non encore mûrs est un comportement qui fait que les cultivateurs restent dans la pauvreté selon les autorités administratives, raison pour laquelle le gouverneur de la province de Bubanza a interdit ce genre de commerce dans un communiqué sorti ce jeudi après une réunion avec les administratifs, les responsables dans le domaine de la justice et les forces de l'ordre. Terence Nobu-Sebutoyi, dans son communiqué, met en garde également les commerçants qui transportent de l'ori non encore séché vers d'autres provinces, qu'ils seront sanctionnés conformément à la loi une fois attrapés et le matériel utilisé comme les véhicules et autres sera saisi. Dans le même communiqué, Terence Nobu-Sebutoyi, gouverneur de Bubanza, demande aux commerçants de ciment, de sucre, des produits braloudis et de respecter les prix fixés par l'État. Il demande à toutes personnes de dénoncer ceux qui ne vont pas appliquer les mesures prises. Spescaritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Spescaritas Kabanyana, de l'autre côté au sud de ces près de 100 hectares de palmeraies de la vallée de la rivière Mulenge, au sud de la ville de Rumonge, qui sont inondés depuis novembre de l'année passée. Les palmiculteurs se désespèrent après le dessèchement qui commence chez certains palmiers, une situation empirée par une maladie au niveau de l'office de l'huile de palme, OHP. L'on conseille l'utilisation des fongicides contre cette maladie. Tout de suite, c'est le reportage à la source. À la source, reportage. Notre reporter à la source nous parle du manque d'eau potable sur deux établissements scolaires à régime d'internat de Kwibukan commune et province Gitega qui seraient à l'origine de la fréquence des maladies de Mansala. C'est ce que disent les responsables d'internat sur ces écoles. Manirambona Abela, directeur d'internat au lycée technique de Kwibukan, demande à la Régie des Eaux de s'impliquer pour trouver la solution à cette question au niveau de la Régie des Eaux région Centre-Est. L'on fait savoir que le problème de l'eau à Kwibuka est dû à des pompes qui font monter l'eau qui sont en panne. Ils promettent que à tout moment, cette question pourra être résolue. Reportage à la source, c'est avec Fidèle d'Antoine Sabiman. Le lycée technique David Michael et l'institut évangélique Sawifi se trouvent à 4 km du chef-lieu de la province Gitega. Toutes ces écoles sont sous convention de l'église évangélique des Amis. Il y a plus de 3 ans, sans goutte d'eau potable sur ces deux établissements scolaires. Manirambona Delar, le directeur de l'internat du lycée technique David Michael, fait savoir que les élèves sont obligés d'aller puiser de l'eau des marais à 1,5 km, ce qui se percute sur l'horaire de révision des cours. On puise dans les puits des marais, là où on se rencontre avec d'autres habitants de Kwangana. Cela fait que le temps alloué aux révisions des cours a été reculé d'une heure. Avant, il commençait la révision à 15h, mais actuellement, il commence à 16h. Manirambona Delar indique que l'école est obligée de chercher l'eau potable pour boire et faire la vaisselle, ce qui fait un manque à gagner sur le budget de l'école. Ça devient difficile quand les élèves sont en besoin d'utiliser des toilettes. Je croisais avec un jeune homme qui commence à enlever les vêtements de dessus et je lui ai demandé pourquoi. Ici, on doit enlever les habits parce que de retour, on revient avec nos dères nauséabondes. Et comme cela, ça peut indisposer les condisciples en classe. L'hygiène vestimentaire reste aussi à désirer, comme le souligne cet élève. On doit utiliser l'eau des marais pour les lessiver. Et avec cette eau, les habits perdent leur couleur. Ça préoccupe particulièrement les jeunes filles durant leur menstruation, comme le confirme cette jeune fille de l'Institut Sawifi de Kwibuka. Nous utilisons les Kotex, mais on a besoin de faire des douches régulières. Et s'il n'y a pas d'eau, c'est tellement préoccupant. Heureusement, nous sommes solidaires, nous nous aidons mutuellement. Manima Adel, responsable de l'internat à l'Institut Sawif, pense que les maladies que souffrent certaines élèves sont liées au manque d'eau potable. Les maladies fréquentes ici sont liées à des douleurs stomacales, ce qui nous fait penser à des maladies en Mansala. Les informations que nous avons eues à la Régie des Eaux, bureau régional centre-est du pays, indiquent que les pompes pour faire monter l'eau à Kwibuka ne fonctionne plus, mais qu'à tout moment, cette question pourra être résolue. Radio Isanganiro, chronique environnement. Le Burundi compte plus de 700 espèces d'oiseaux qui sont réparties dans différentes aires protégées. Comme le souligne Arsène Manirambona, président de l'Association pour la protection de l'environnement ABN, les oiseaux jouent un grand rôle dans la pérennisation des plantes en consommant des insectes nuisibles à l'agriculture et en disséminant les graines pour la reforestation. Les détails avec Yvette Nijimberi. On reconnaît les différentes espèces d'oiseaux en regardant leurs habitats et leur nourriture. Arsène Manirambona, président de l'Association pour la protection de la nature, signifie que certains sites, comme la réserve naturelle de la Ruzizi, les plages du parc de la Ruvubu et le lac Gwihinda, constituent leurs principaux habitats. Les rencontres se passent autour des lacs, des rivières, des étangs, des marais, particulièrement le lac Tanganyika, la rivière Ruzizi, les lacs du nord comme le lac Gwihinda qui est connu sous le nom de lac aux oiseaux. Je citerai par exemple les espèces de la famille des Anatidés, les canards, les pélicans, lamas, roses. Mais aussi dans la forêt, on peut trouver des oiseaux de montagne, des rapaces en général, les petits oiseaux, les nectars. Arsène Manirambona ajoute que le Burundi garde une bonne place en ce qui est de la diversité des espèces d'oiseaux, mais que comparativement aux années passées, ces espèces vont en diminuant. Il y a une dégradation des zones importantes pour la conservation des oiseaux. Comme je le disais tantôt, ça coïncide avec les lacs, les rivières, les aires protégées, la forêt de Kibira, la réserve naturelle. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'infractions qui sont commises dans ces aires protégées. Donc, vous voyez qu'il y a des risques. Ces oiseaux ne sont pas suffisamment protégés et par ailleurs, on les voit fuir quand il y a de mauvaises conditions. Ce représentant de l'ABN nous parle aussi d'un rôle que joue l'oiseau dans la biodiversité. Dans le domaine de l'environnement, notamment la régénération des forêts, la restauration des espaces dégradés, les oiseaux qui mangent des fruits sauvages, dans le tube digestif, il y a une dégradation et quand ces oiseaux éliminent les excrétants, ces excrétats sortent avec des graines prêtes à germer et si ces graines tombent dans un endroit donné, il y aura naissance des plants et c'est la forêt au fur et à mesure qui va se reconstituer. Arsène Manirambona signifie qu'il y a même des espèces d'oiseaux qui attirent les touristes, ce qui a un avantage pour le pays. Ces oiseaux ont une grande importance parce que si on considère par exemple les oiseaux migrateurs, puis les touristes peuvent venir en Afrique, au Burundi particulièrement, pour suivre ces oiseaux. Et si ces touristes de niche arrivent dans notre pays, ils viennent avec des devises, contribuent au développement économique du pays. Ce représentant de l'Association de la protection de la nature signifie que les oiseaux étaient vénérés dans le Burundi ancien. Là, il donne d'exemples des types d'oiseaux qui servaient dans le choix des noms pour les personnes. Il demande aux Burundais de préserver cette relation. Merci Yvette Nijimbele. Ben voilà, à 13h15, et c'est par ici qu'elle met en point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo qui l'a mise en onde. Eli Nibel Nivigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.